Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, une comédie américaine. Véritable séducteur, Nicky mène une vie facile. Belle nana, grosse voiture et villa de luxe. Tout en multipliant les conquêtes, il se fait entretenir par une riche avocate d'Hollywood, chez qui il passe le plus clair de son temps à faire la fête et à prendre du bon temps. Tout se passe bien pour Nicky, jusqu'au jour où il rencontre Heather, une somptueuse serveuse qui lui fait tourner la tête pour de bon. Los Angeles, la Californie, le lieu idéal pour mener la belle vie. Même si vous n'avez ni maison, ni travail, ni relation. Les règles sont simples. D'abord, fréquentez les soirées branchées, les filles sexy et surtout riches. C'est quoi ton nom ? Samantha. Après, il suffit de compter les points. Un point pour les fleurs, deux points pour le dîner, trois points pour l'orgasme. À 26 points, elles vous font confiance et vous pouvez prendre du bon temps. Mais ne vous laissez pas abattre, même dans les moments difficiles. T'as seulement tes 15 centimètres. 17 centimètres. Ça marche à tous les coups. Mais attention, il y a peut-être plus fort que vous. J'adore ta maison. Elle me plaît, cette fille. Tu me plais beaucoup, tu sais. Excuse-moi, je suis en retard. Est-ce que tu vas me pardonner? Je dois y aller. On remettra ça. Toy Boy, une comédie de David Mackenzie avec Ashton Kutcher, un DVD MK2.